Ils ont cette présence ô combien majestueuse. Quand ils survolent la blondeur du champ de blé, quand de leurs robes noires dépliées, audacieuses, ils rasent presque le sol de leurs ailes déployées. Ils se repaient parfois d'un bon repas clinquant, mais ils sont avant tout de grands écologistes. Ils débarrassent le sol de ces corps pourrissants. On les compare même à des anarchistes. Vincent les voyait survoler ses tableaux. Il les citait dans ses poèmes, Edgar Allan Poe. On pouvait les imaginer dans les vers de Rimbaud. Oui, ami, entends-tu le vol noir des corbeaux. Ils ont cette réputation terne de mauvais augure. Les légendes ont souvent terni leur image. Ils sont quand même bien des enfants de la nature à qui l'on eût prêté le mauvais œil dans leur plumage. Ils sont représentés dans des postures souvent morbides, les considérant comme les compagnons de la mélancolie. Ils furent à une époque cloués aux portes, idées stupides, comme d'eau dont la couleur allait du noir au gris. Vincent les voyait survoler ses tableaux. Il les citait dans ses poèmes, Edgar Allan Poe. On pouvait les imaginer dans les vers de Rimbaud. Oui, ami, entends-tu le vol noir des corbeaux. Cette beauté qui fait briller mon regard quand je les aperçois les soirs d'automne sur le chêne. Ils paraissent lugubres, mais je me refuse en eux de voir la tristesse qu'on leur destine teintée de peine. Ils sont pour moi bien plus que de magnifiques corps vidés. Ce sont mes acolytes dans mes instants de solitude. Ils ont dans l'éclat de leurs yeux un soleil prêt à irradier toute la chaleur quand ils reviennent du sud. Vincent les voyait survoler ses tableaux. Il les citait dans ses poèmes, Edgar Allan Poe. On pouvait les imaginer dans les vers de Rimbaud. Oui, ami, entends-tu le vol noir des corbeaux.